Je vous invite de tourner dans vos Bibles à Matthieu chapitre 5. OK. Donc, Matthieu chapitre 5, et comme nous avons déjà annoncé à quelques reprises, maintenant pendant l'année, probablement jusqu'au mois de juin, nous allons travailler le Sermon sur la montagne. Mais maintenant, avec le changement de plan pour Jacques, une fois par mois, quelqu'un va faire une étude dans les Béatitudes, mais moi, je vais commencer aujourd'hui avec le premier. Moi, je vais faire des études dans les autres, mais des gens vont venir chaque mois pour faire une étude dans les 9 Béatitudes différentes. Ben, les 8 maintenant, parce que moi, je vais faire le premier. Et n'oubliez pas, mercredi soir à 19h, nous allons commencer notre étude biblique, temps de partage ici au bâtiment, et nous allons utiliser le petit livre « Suivre Jésus ». Et si vous voulez faire partie de cette étude, venez me voir. Ça se vend pour 10 $. Donc, si vous voulez avoir une copie, venez me voir. Mais on va commencer, et généralement mercredi de 19h à 20h30. OK? Donc, un temps de discussion plus approfondie dans le sermon. Et tel que annoncé il y a 2 semaines, l'arrière-plan de Matthieu que j'ai préparé pour nous. Donc, il me reste quelques copies de ça. OK. Fini la pub. Lisons le texte. Matthieu 5, et c'est très simple. On va faire les versets 1 à 3 ce matin. Ben, Alphonse, vas-y, si tu peux le lire pour nous. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Aidez les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Merci, Alphonse. Pensez-y 2 secondes. Petite question. Qu'est-ce que c'est la pauvreté? Malheureusement, et je dis malheureusement, au Canada et dans la vaste majorité des pays occidentaux, la pauvreté est définie d'une façon purement économique. Donc, si quelqu'un n'arrive pas au seuil de la pauvreté, cette personne, elle est pauvre. Mais moi, j'ai passé assez de temps dans le monde en voie de développement pour savoir que juste parce que quelqu'un n'a pas du fric, ça ne veut pas dire que la personne est pauvre. Et nous connaissons tous des Québécois et des Québécoises qui sont, comment dire mon Québécois, pleins du cash. Mais ils sont extrêmement pauvres, relationnellement, émotionnellement, socialement, spirituellement pauvres. Donc, ce matin, on va explorer cette notion. Qu'est-ce que la pauvreté? Si vous vous souvenez bien, il y a 2 semaines, on a commencé notre série, on a examiné la fin du chapitre 4 et la façon que Jésus a aborder le sermon sur la montagne. Et si vous vous souvenez bien, on a vu sa raison d'être lorsqu'il a ramassé ses disciples et il leur a parlé de Ésaïe chapitre 9 et sa mission qui n'était pas simplement une mission limitée aux gens de Palestine, mais c'était une mission auprès de toutes les nations. Et à ces gens, il leur a donné une invitation. Il a dit, changez de vie, car le règne des cieux est proche de vous. Et nous avons vu la façon qu'il a développé cette idée. En même temps, on a survolé un peu l'évangile de Matthieu. Mais l'expression clé, c'était que l'invitation précède l'impératif. Que Jésus nous invite. Et une fois qu'on accepte son invitation d'être ses disciples, ses apprentis, une fois qu'on décide de le suivre, les impératifs suivent. Mais nous avons cette méchante tendance de prêcher la morale aux gens et on dit, ah, si vous faites 1, 2, 3, 4, vous serez un bon chrétien. Mais Jésus a complètement renversé ça. Il nous invite de le suivre. Et dans la suivance, il y a des impératifs, des commandements, les choses qu'ils invitent à faire. Et le sermon le met exactement. Parce que Jésus a déjà invité ses disciples. Maintenant, il parle du style de vie, la façon qu'ils veulent qu'ils vivent, s'ils vont vraiment être ses apprentis. Et ce matin, nous allons l'examiner. Mais avant d'examiner le verset 3 et ce que Jésus dit ici, d'être pauvre en esprit, il y a une autre chose qui m'a frappé cette semaine en me préparant. J'ai relu les chapitres 1 à 4 parce que lorsque le texte dit que Jésus s'est mis à enseigner, je ne me suis pas rendu compte à quel point Matthieu a préparé les disciples, comment Matthieu a préparé nous, les auditeurs et les auditrices, à bien accueillir le sermon. Écoutez ce qui est dit sur Jésus dans les 4 premiers chapitres de Matthieu. Tout d'abord, il est le fils d'Abraham, le fils de David, en chapitre 1er. Il est celui qui a été conçu de l'Esprit, chapitre 1er. Il est le sauveur du monde, Emmanuel, aimé de Dieu, celui qui a vaincu le diable, celui qui a annoncé les bonnes nouvelles de la repentance et du royaume des cieux. Et c'est celui-là qui nous parle ce matin. Ce n'est pas n'importe qui. Matthieu nous a bien préparés pour cela. Et le premier, comme Alphonse a lu, dit, « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le règne des cieux est à eux. » Maintenant, tout d'abord, rappelez-vous ce que j'ai dit sur ce mot « heureux ». Ce n'est pas les gens qui essayent d'être pauvres en esprit qui vont avoir le royaume des cieux. Je vous ai donné l'exemple de mes 3 filles. Heureux, Jenna, Julia et Krista, les filles de Glenn et Sandy, elles vont recevoir l'héritage, la maison. Elles ne font absolument rien pour hériter quelque chose. Elles ne travaillent pas plus durement pour être des bonnes filles. Elles sont nos filles. Elles sont heureuses. Elles sont nos filles. Et en passant, leur espoir, leur attente, la conséquence, c'est qu'ils vont avoir un petit héritage. Et Matthieu dit la même chose ici. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Le règne des cieux leur appartient. Maintenant, chose fascinante dans ce texte, quand Matthieu a cité Jésus ici, Matthieu avait le choix de soit parler d'un pauvre comme un journalier, quelqu'un qui gagne sa vie d'une façon journalière. Il travaille, il reçoit son fric de tous les jours. Il comble ses besoins. Il est probablement sous-employé. Mais Matthieu n'a pas utilisé ce mot quand il a parlé des pauvres en esprit. Non, il parle des plus pauvres des pauvres. Les gens qui sont, aujourd'hui, on les appellerait les quêteux. Pour souligner que les personnes heureuses sont ceux qui ont le cœur d'un pauvre. Ceux qui, comme dans mon édition, ça lit, ils se reconnaissent comme spirituellement pauvres. Maintenant, afin de bien développer cette idée, rappelons-nous comment Matthieu parle des pauvres dans son évangile. J'ai fait une petite liste ici. Jésus, il est né dans une famille tellement pauvre avec Joseph et Marie que lorsqu'il a été consacré dans le temple, Joseph et Marie n'avaient même pas les bons animaux, pour ainsi dire, pour faire la dédicace de Jésus. Ils utilisaient les pigeons, qui étaient admissibles selon la loi pour les quêteux. Jésus était un réfugié. Il a dû fuir son pays. Jésus a passé beaucoup de temps avec les malades. Et les malades, à l'époque de Jésus, étaient toujours les plus pauvres. Les lépreux, les paralysés, la femme qui souffrait de cette hémorragie de sang. Ça, c'est les gens qui étaient physiquement, donc financièrement, pauvres. Dans le mandat apostolique qu'il donne en chapitre 10, il parle qu'il faut quitter son foyer sans rien. Et saint François d'Assise s'est inspiré de Matthieu 10 pour sa mission dans le 11e siècle, le saint des pauvres. Quand Jean cherchait une explication, si Jésus était celui qu'on devrait attendre ou devrions-nous attendre une autre, et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, je suis venu pour aider les malades, les paralysés et pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Jésus est allé auprès de cette femme canaanite en chapitre 15. Une madame qui a été complètement écartée de la société palestinienne de l'époque. Elle était une syrophénicienne et elle voulait avoir quelque chose de Jésus. Et Jésus, avec respect, a fait quelque chose pour elle. Jésus, en chapitre 16, dit qu'il est venu auprès des gens qui sont prêts de se renoncer soi-même et devenir pauvres. Et quand le jeune homme riche est venu, qu'est-ce que Jésus a dit? Il faut vendre tout pour suivre Jésus. Pour ainsi dire, pour Matthieu, un des fils dans son évangile, c'est le grand respect que Jésus avait pour les gens qui étaient les quêteux, les gens qui n'avaient pas grand-chose. Et maintenant, Jésus l'applique pour ses disciples, pour ses apprentis, et il dit, « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. » Ou ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Mais même si nous pouvons comprendre le mot dans l'époque, inquiéteux, même si nous pouvons bien comprendre que voici un thème que Matthieu a développé tout au long de son évangile et son grand respect, ou le grand respect de Jésus, pour les gens qui avaient peu de moyens, probablement Matthieu s'est beaucoup inspiré de Ésaïe. Parce que Ésaïe, c'était l'auteur de l'Ancien, son auteur de l'Ancien Testament préféré. Et constamment, Matthieu cite Ésaïe. Et en Ésaïe 57 et en Ésaïe 62, Ésaïe, mais écoutez le texte. Ésaïe 57. Ésaïe écrit ceci. Écoutez bien. Et l'on dira, frayez la route, oui, frayez-la, ouvrez la voie, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car voici ce que dit le Dieu très élevé, qui demeure éternellement et qui s'appelle le Saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé à l'esprit abattu pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vérifier et vivifier le cœur. Donc, Matthieu a bien compris son contexte. Matthieu a bien valorisé le pauvre tout au long de son évangile. Mais en fin de compte, quand Matthieu a cité Jésus en verset 3, il pige dans son auteur préféré de l'Ancien Testament. Et il dit, oui, le Dieu l'Éternel, il est le Dieu qui habite au-dessus de tout, il est transcendant. Il est le grand Dieu. Il est saint. Mais il n'habite pas simplement dans le au-delà. Il habite aussi auprès de celui et celle qui a un cœur abattu, un cœur humble, quelqu'un qui se reconnaît comme spirituellement pauvre. Donc, nous avons dans ce texte ce matin un écho de l'Ancien Testament. Et Matthieu va continuer avec cette idée tout au long de son évangile. Mais qu'est-ce que ça veut dire de se reconnaître comme spirituellement pauvre? Quelle est cette vertu? Quelle est cette valeur que Matthieu met en évidence tout au début de ce sermon, tout au début de cette belle description de ses apprentis, de ses disciples? Quelqu'un qui se reconnaît comme spirituellement pauvre, il me semble, c'est quelqu'un qui, d'une façon humble, pas de façon hautaine, met sa confiance en Dieu. Quelqu'un qui met sa vie entre les mains de celui qui habite au-delà de nous. Quelqu'un qui refuse carrément de se rebeller contre Dieu quand la vie va mal. Quelqu'un qui se reconnaît comme spirituellement pauvre voit les contradictions de la vie, les tiraillements de la vie. Et cette personne, d'une façon confiante, dit, « Je vais me confier en Dieu. » Pour ainsi dire, quelqu'un qui se reconnaît spirituellement pauvre et quelqu'un qui dit, je n'ai pas les forces, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les aptitudes en moi pour accomplir la vie. Voici quelqu'un qui dit, pour suivre Jésus, il faut que je place ma confiance en lui. Et je vais me confier tous les jours en lui. Maintenant, qui est la personne pauvre? Parce que quelqu'un est pauvre, qui est pauvre, doit mettre sa confiance en d'autres. Parce que cette personne n'a pas les moyens de rejoindre les deux bouts. Et Jésus profite de cette image pour dire la première description d'un apprenti, un disciple, celui qui me suit, cette personne, d'une façon humble, place sa confiance en moi. Maintenant, c'est bien beau à dire. comment allons-nous le faire? Et j'ai mijoté cette question toute la semaine. Parce que après avoir réétudié le texte, j'ai dit, mais c'est bien beau ça. Mais dans notre société d'aujourd'hui, comment vivre cette pauvreté spirituelle? Donc, j'ai écrit trois choses ici. La première chose, c'est que, fondamentalement, celui ou celle qui se reconnaît comme spirituellement pauvre développe cette attitude, cette orientation, le penchant dans la vie de le suivre. Ma première réflexe devrait être, OK, dans ma façon de penser, dans ma façon d'agir, dans le penchant de ma vie quotidienne, je vais humblement me confier en Dieu. Chose fascinante, dans les béatitudes, Jésus ne parle pas de l'humilité. Il ne dit pas « Heureux la personne qui est humble ». Parce que cette belle description, surtout avec la première béatitude, est une description de l'humilité. Et s'il y a une chose qui devrait distinguer un apprenti de Jésus, devrait être notre humilité. J'étais au téléphone l'autre jour avec je ne le connais pas. Il m'a été référé par une autre collègue. Et il habite aux États-Unis. Et donc, il m'a téléphoné à mon bureau. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire, mais c'était une de ces drôles... Ce n'était pas une discussion, parce qu'il m'a parlé pendant 20 minutes. Mais c'était ses 30 sous, pas les miens. Mais pendant ces 20 minutes, il m'a donné toute une liste de personnes qu'il connaît. Laissez tomber ce nom ici, un autre nom ici. Oh oui, avec telle ou telle personne, telle ou telle, j'ai fait ça. Et à la fin de la discussion, j'ai dit, il connaît beaucoup de monde, et tous les noms qu'il m'a mentionnés, c'était des personnes bien connues. Mais qui es-tu? Et je me suis dit, quand moi je me présente à quelqu'un, est-ce que je me présente comme quelqu'un qui connaît beaucoup de personnes? Ou est-ce que je suis assez humble pour juste me présenter comme je suis? L'humilité est l'acte d'agir humblement et la première façon de pratiquer cette béatitude. Donc, nous pouvons lire la béatitude, « Heureux ceux qui sont humbles, pas hautains, pas orgueilleux, pas prétentieux, pas les gens qui citent qui connaît, qu'est-ce qu'ils ont accompli. » Non, il ne se prend pas pour une autre. Ils se reconnaissent comme spirituellement, dans le fin fond de leur personne, les gens qui mettent leur confiance en Dieu. La deuxième deuxième chose que j'ai écrite ici, et peut-être la chose qui est la plus difficile dans notre société par rapport à cette reconnaissance de cette pauvreté spirituelle, c'est notre méchante tendance d'accumuler les choses et nous nous isolons dans nos choses. Donc, il est presque impossible d'être pauvre parce que j'ai tellement de choses et je place ma confiance dans ma MasterCard. ma visa, ma carte débit. Aujourd'hui, je suis peu chanceux. J'ai beaucoup de fric américain. Je viens de terminer un voyage. Je place ma confiance dans ce que j'ai. Je place ma confiance dans ma vocation, ma formation, ma maison, dans, peut-être de moins en moins, mais dans l'État-providence, dans le filet de sécurité sociale du Québec. Mais REER. Et à un moment donné, ces choses deviennent une anesthésie contre la pauvreté spirituelle. Parce que maintenant, plutôt de me confier humblement en lui, malgré les va-et-vient de la vie, je mets ma confiance dans ce que j'ai. Maintenant, je sais fort bien que nous habitons dans une société où il faut. Je trouve que le filet social québécois est excellent. Je suis très content que Dieu m'a donné assez de moyens pour mettre des sous à part pour l'avenir. Je suis incroyablement reconnaissant pour la maison que j'ai. Mais la question, c'est où est-ce que je mets ma confiance? Dans les choses ou en Dieu? Et est-ce que je suis prêt de porter ces choses légèrement, sachant que c'est Dieu qui pourvoit? Quelle est votre réaction quand le taux d'échange monte ou descend, quand la bourse monte et descend, lorsque nous lisons les nouvelles dans Le Devoir ou la presse et le Journal de Montréal et on entend que les marchés sont complètement malades? Et ils sont. Mais où est-ce que je mets ma confiance? Donc, la première façon de pratiquer la béatitude, c'est d'une façon humble, nous confier en Dieu. Deuxième chose, il faut défier notre mentalité d'accumuler les choses, les biens, et de nous trouver isolés ou secures dans ce qu'on a. Et la troisième façon de pratiquer cette béatitude, c'est de développer la liberté spontanée de donner, de servir, d'accompagner ceux qui n'ont pas. Parce que quand je donne, quand je sers, quand j'accompagne les gens qui sont économiquement, socialement, émotionnellement, relationnellement pauvres, je suis en train de dire, Dieu m'a renouvelé, je le suis, et je vous accompagne, je donne, je suis libéré pour vivre. Donc Jésus dit, celui qui a décidé, celle qui a décidé de me suivre, cette personne, il se reconnaît comme spirituellement pauvre, humble, dépendant sur moi, pas sur les choses. Cette personne, elle est heureuse. Pas une condition pour être un disciple, mais une fois qu'on a accepté l'invitation, voici l'attitude, la disposition, la vertu, la valeur qu'on va développer dans la vie. Mais comment est-ce que le texte termine? Car le règne des cieux leur appartient. Et voici où nous voyons qu'il y a une espérance pour les disciples de Jésus. Parce que, oui, dans le ici-bas, dans le présent du règne de Jésus-Christ, dans ma vie, dans notre Église, dans notre société, il n'est pas nécessaire pour moi de prouver quoi que ce soit. Parce que je fais partie de son règne. Pas le règne de Mastercard, pas le règne d'American Express, pas le règne de l'État québécois, pas le règne de ma carte débit. Non, je suis dans le règne de Jésus. Et j'ai cette espérance que lui, il va prendre soin de moi. Mais j'ai aussi cette espérance éminente qu'il va revenir et il va combler tous mes besoins émotionnels, sociaux, relationnels, économiques. Donc, la première béatitude. Heureux ceux qui se reconnaissent comme spirituellement pauvres. D'une façon humble, ces personnes, elles se confient en Dieu. Car le règne de Jésus-Christ, maintenant, et d'ici peu, nous prions, il va revenir et il va combler toutes nos attentes. Heureux, ceux et celles qui ont cette vertu, cette attitude dans leur vie. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour notre quartier et dans ce milieu où nous nous trouvons, sachant qu'il y a énormément de pauvreté économique et beaucoup plus de pauvreté relationnelle et émotionnelle et sociale. Et nous voulons nous identifier avec ceux autour de nous. Et merci pour ce texte qui nous rappelle que cette identification, cet accompagnement commence par une reconnaissance de notre part que nous sommes entièrement dépendants sur toi. Donc Seigneur, par ton esprit, nous voulons cette semaine marcher humblement en toi. Nous voulons mettre notre confiance en toi. Donc, sois avec nous, accompagne-nous, remplis-nous pour que nous puissions te suivre fidèlement et humblement cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Et le soleil perce l'humidité. Bon après-midi. Oui, oui. À mercredi pour ceux et celles qui vont venir.